savait avec qui j'étais et ils faisaient le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Les voisins se garaient plus dans notre allée et pourtant on n'avait pas de voiture. À 13 ans, je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi ? Respect. Appelle-moi Vito, je suis originaire de la Sicile. Né en Amérique à l'époque des premiers missiles. Enfance difficile, mi dangereux, mi voyou. Je passe mon temps avec Joey, avec qui je fais les 400 croix. À l'époque, on avait les yeux pleins d'espoir. New York scintillait quand on sortait le soir. Bref, je suis l'aîné d'une famille modeste italienne. Chaque quartier d'une ville de l'Italie est la mienne. 21 ans quand je suis appelé par l'armée américaine. À l'époque des guerres de gang avec l'arrestation du Riken. Black mexicain, chinois et italien, tous défendent leur territoire même si les murs sont mitoyens. J'ai 24 ans à la fin de mon service militaire. Je rentre à New York avec la fierté d'un dignitaire. À ma rentrée au bercail, mon père est décédé. Ma sœur vit avec ma mère dans un appartement délabré. Il nous faut des billets, mais pour des billets faut un projet. En ce moment je crèche chez mon ami d'enfance Joey. Lui saura quoi faire car il travaille pour la mafia. Intégré dans la famille mais entouré de gens pas fiables. Ma vie ne me plaisait pas, je voulais adhérer à la sienne. En tout cas je n'étais pas comme mon père à me tuer à la chaîne. Alors oui on a fait équipe et oui on s'est entraidé. Il m'a aimé comme un frère même quand j'étais entêté. Du braquage en finition, on meurt sans rémission. On obéit aux ordres afin de gravir les échelons. La grâce d'une exécution vient d'un sonnet sicilien. C'est une affaire de famille, non je ne suis pas un assassin. On fait tout un tas de boulot avec la police sous nez. Corrompu par mon don originaire de Corleone. On a la vie devant nous et la ville est à nos pieds. De l'amour envers nos frères et pour nos ennemis du respect. Un jour d'hiver, je suis tombé pour les miens. 10 ans sous les barreaux pour une cause noble, ce n'est rien. J'apprends à lire entre les lignes et à endurcir mon âme. Je me bats tellement que mes poings sont devenus mes armes. Un vieil homme m'observe et commence à me considérer. Respecté par tout le monde, il se prénomme conciliaire. Quelques mois plus tard, il me prendra sous son aile. Il vient d'une femme et rivale, mais j'ai une dette envers elle. Lui sortira plus tôt et moi je sortirai plus tard. Mais il me fera sortir plus tôt que me laisser pourrir au mitard. Au final, je n'ai pris que 5 ans, ouais. Grâce à ses retombées, quand ma famille et mes frères m'avaient tous laissé tomber désormais. Je bosserai pour les siens, sa famille est très puissante. Donc je ne regrette rien, non. Rien par mon frère qui lui a beaucoup changé. Il est monté pour lui-même, il est devenu un danger. Sa famille vend de la drogue et elle a viré gangster. Il ne respecte plus les traditions, il nous déclare la guerre. S'ils la veulent, ils l'auront dans les rues de Manhattan. Mais s'en coulera et après ça, j'irai voir ma terre natale. Un soir je me rends dans un bar irlandais, au coin de la 15ème, près des sapins guirlandais. Je demande un whisky pour trouver un peu de chaleur, tout en pensant à mes parents et à leur dure labeur. À ce moment, trois hommes rentrent, ils sont armés de mitraillettes. L'un d'eux s'adresse au barman et lui jette sa cigarette. D'un coup ils lèvent leur arme et les pointent dans ma direction. Je dégaine mon calibre et je tire sans sommation. Ça siffle sous ma tête et dans la pièce ça sent la forge. J'en touche un à la tête puis un autre à la gorge. Le troisième me tire une balle en pleine poitrine. Deux, puis trois, je suis résistant, mais que croit-il ? Une main sur mon épaule, c'est celle de Joey. Il me fixe dans les yeux et me dit en toute amitié. Ce n'est du business, une histoire de famille. J'espère que tu me comprendras, c'est là que c'est fini ma vie.